Je vous souhaite un très bel après-midi. Tout de suite, c'est Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. When all the people receive true information of all that government does. Cette semaine, la démocratie aux États-Unis. Nous sommes le peuple élu. Nous portons l'arche des libertés du monde. Pionnier et héritier. Why two triangles? Un système qui en a vu d'autres. One right side up. One upside down. Je crois que Dieu a présidé à la naissance de cette nation et que nous sommes choisis pour montrer la voie aux nations du monde dans leur marche sur les sentiers de la liberté. Il faut lier le pouvoir politique à la puissance d'argent, c'est cela qui nous donnera, je cite, un bon gouvernement. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle Lionel Roup, je suis réalisateur. J'ai réalisé ce film A Campaign of the Own sur les élections américaines et principalement sur la campagne de Bernie Sanders du point de vue des militants. Avant cela, j'ai co-réalisé le film Heimatland avec plusieurs autres réalisateurs et réalisatrices de Suisse. Et avant cela, j'ai fait mon premier long métrage qui s'appelle Key West, une adaptation de Bernard-Marie Coltès que j'ai réalisé avec mon frère Adrien. Et sinon, j'ai réalisé 5 ou 6 courts-métrages, et voilà. Alors c'est quoi ? C'est d'abord la passion du cinéma, avant tout ? C'est d'abord la passion du cinéma. Après, je vous avoue que si j'avais pas été réalisateur, j'aurais beaucoup aimé travailler dans le domaine de l'histoire. Ah oui ? Ouais, c'était un peu ma deuxième passion. Deuxième marotte ? Ouais. Ouais. Quelle histoire ? Quelle partie de l'histoire ? L'histoire ancienne ? L'histoire contemporaine ? J'étais intéressé par plusieurs périodes de l'histoire. L'histoire américaine m'a toujours, des États-Unis m'a toujours fasciné. Mais j'ai aussi été intéressé par l'histoire de la colonisation, enfin en Afrique, l'histoire, ouais, même l'histoire de la Suisse. Enfin, quantité de sujets comme ça qui m'ont passionné. Et le moyen de joindre ces deux goûts dans un même panier, ça s'est déjà présenté ? Non, j'avoue que c'était la première fois. Il y avait une tentative quand j'étais vraiment très jeune lors du G8 qui se passait à Évian. Je me rappelle avoir essayé un peu de filmer ce qui se passait à ce moment-là. Le tumulte, voilà. Mais rien n'en est sorti et ensuite j'ai vraiment travaillé la fiction. Essentiellement la fiction. Après, bien sûr, l'histoire peut être une source d'inspiration pour le travail que je fais en fiction. Mais vraiment, à ce point-là, lié, c'était la première fois, oui. Vous le savez, l'avantage de la radio, c'est le total anonymat. On ne sait pas qui parle. Enfin, on a un nom, mais on n'a pas d'image. Vous êtes plutôt jeune? Enfin, plus tant que ça, peut-être. Tout est relatif. Non, tout est relatif. Après, bon, je pense que je suis encore considéré comme un jeune réalisateur, parce que j'ai pas encore 35 ans. Mais voilà, je suis sorti de la aide il y a 8 ans. Voilà, comme je l'ai dit auparavant, j'ai le temps de réaliser deux longs métrages et de co-réaliser un. Ce qui est déjà bilan. Ce qui est déjà... Ouais, ce qui est déjà quelque chose. Bilan globalement positif, aurait dit Georges Marchais. c'est ça. Sachant que les débuts étaient difficiles. Ouais. Mais bon. Mais je vous posais la question, non pas par indiscrétion, mais pour avoir un peu une idée sur ce que vous regardez aujourd'hui, si toutefois les cordonniers étant souvent très mal chaussés, si vous regardez de l'image, si vous vous en nourrissez, et à partir de ça, quelles sont vos sources d'inspiration, ou présentes, ou plus anciennes? Ça fonctionne aussi par période. J'ai des périodes où je m'intéresse à un cinéma à travers un genre, d'autres fois en suivant un réalisateur et en regardant tout ce qu'il a pu faire. Et j'avoue que j'ai un goût pour aussi le cinéma mainstream. Je regarde vraiment un peu de tout. Après, c'est sûr que suivant le film sur lequel je suis en train de travailler, je m'intéresse à un genre ou à certains réalisateurs ou réalisatrices. Et par exemple, en ce moment, je fais un film qui se passe dans le milieu du foot. Alors, je regarde énormément de films qui sont sur le sport. De films ? De films, oui. Fiction ? Film de fiction. Il y en a tant que ça ? Sur le foot ou sur le sport en général ? Sur le foot. Sur le foot, il y en a pas mal. Des bons, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a beaucoup. Et sur le sport, il y a une bible de cinéma de sport qui est sortie l'année passée. Mais alors, combler un peu mon ignorance, ou deux films qui m'auraient échappé sur le foot ? Le plus connu de tous, c'est Coup de tête. Ah bah oui, avec Jean-Jacques Hano. Oui, voilà, de Jean-Jacques Hano. Il y a À nous la victoire, de John Huston, ouais. Par exemple, avec Sylvester Stallone et Pelé. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Le Ballon d'Or. Pelé est meilleur que... Au niveau de... à tous les niveaux, je crois, dans ce film, même si j'aime beaucoup Sylvester Stallone. Ouais, Le Ballon d'Or, qui est un film sur un enfant, je sais plus de quel pays d'Afrique de l'Ouest, qui rêve d'être un jour footballeur. Et il y a plusieurs films qui sortent ces dernières années, surtout en France, dans le milieu du foot. Et selon vous, est-ce que c'est... Alors, le football est indéniablement télégénique, sinon ça finirait par se savoir. Le cinéma, bon, alors vous citez effectivement quelques films, mais enfin... Vous êtes d'accord que ça fait quand même un petit peu exception. C'est pas ce sport-là qui draine le maximum de foule au regard de ce qu'il peut drainer comme téléspectateur. Non, mais je pense que le football est télégénique, mais pas cinégénique, oui. En effet. Et d'ailleurs, toutes les scènes de foot, même Costa Rica dans La vie est un miracle, a fait une scène de foot que j'ai trouvée vraiment pas bonne. En général, les scènes de foot passent mal au cinéma, je pense. Et d'ailleurs, le film que je fais, je veux pas m'y risquer. Ça sera sur les coulisses. Du milieu du foot, il n'y aura pas de scène de foot en soi. C'est un film de foot sans ballon, comme on le décrit avec le co-scénariste. Daniel Roux, on va être obligé de parler de quelque chose que vous avez déjà fait. Oui. Il y a déjà un bout de temps, vous m'avez déjà prévenu. Oh là là, mais ça fait tellement longtemps que je ne me souviens plus. Ne me posez pas des questions absolument collantes. Mais ce que je vais faire, je vais vous proposer l'exercice que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire, c'est de vous laisser nous parler de ce documentaire. Comme si, d'une certaine manière, vous le présentiez à des gens qui ne l'avaient pas encore vu. C'est le cas, puisque les gens découvriront votre documentaire dimanche soir sur RTS2. Ben voilà, vous avez des copains autour de la table, des amis ou des gens que vous ne connaissez pas, et puis vous leur dites tout le bien de ce que vous avez fait, ou peut-être un peu, évidemment, là-dedans, la genèse, puisqu'il y en a une. Et puis voilà, puis après, moi, je viendrai avec mes propositions. Alors, donc c'est un film qui se passe durant les élections américaines de 2016, plus exactement durant les primaires, donc le processus électoral qui a lieu avant l'élection générale. Je me suis intéressé aux primaires démocrates et plus spécifiquement sur le candidat Bernie Sanders. Très vite, je me suis rendu compte avec le producteur qui m'accompagnait, Michael Mitchell, que ce serait impossible en fait d'avoir accès à Bernie Sanders. Et on s'est très vite reporté sur les militants qui portaient la campagne. Ce qui s'est avéré être un bien meilleur choix, à mon avis, a posteriori, parce que ça racontait bien mieux ce que c'est qu'une élection américaine, plutôt que d'avoir un candidat qui ressasse toujours le même discours et qui est forcément trop impliqué pour avoir une liberté de ton. Donc voilà, c'est un film qui se passe durant ses primaires. Principalement durant la primaire de New York. On a choisi cette primaire-là parce qu'elle était décisive à notre sens lors des primaires démocrates, parce qu'elle pouvait décider qui serait le candidat, est-ce que ce serait Hillary Clinton ou Bernie Sanders. Ensuite, on est rentré en Suisse et on a pu voir depuis la Suisse la défaite annoncée du candidat Bernie Sanders. Et après avoir hésité à y retourner lors de la primaire de Californie, il s'est avéré que ça serait trop coûteux, donc on s'est concentré sur la convention de Philadelphie. Ce qui a été aussi très intéressant, parce que à la convention, on a pu se rendre compte comment marchait en fait le Parti démocrate. Et ça nous a permis de creuser au-delà de la campagne de Bernie Sanders, le processus électoral américain, ses failles, parce qu'elles sont nombreuses, et les questions qu'il pose sur la démocratie en général, parce qu'elles sont aussi nombreuses, à mon avis. Ça s'est décidé comme ça, sur un coup de tête? Comment ça s'est... Est-ce que c'était mûrement réfléchi? Vous vous êtes dit, faut qu'on se lance et puis on verra sur place? Alors, je pense que par rapport à ce projet, c'était absolument pas mûrement réfléchi, dans le sens où, avec Michael Mitchell, le producteur, on en discutait une semaine auparavant, avant de partir. On s'est dit, ah, c'est fou ce qui se passe avec Bernie Sanders en ce moment. Moi, j'avoue qu'il m'a lancé sur le sujet, parce que autant j'ai suivi toutes les élections, autant celle-ci, je voyais pas l'intérêt. Et tout d'un coup, quand il a commencé à me parler de Bernie, je me suis dit, ah ouais, ça va pas forcément être un combat du frère Jeb Bush contre Clinton. Il y a peut-être quelque chose qui se passe du côté démocrate. Et il y avait aussi quelque chose qui se passait du côté républicain avec Donald Trump. Et donc, en discutant, on s'est rendu compte que vraiment il y a quelque chose à faire. Et on s'est aussi rendu compte qu'on était, frustré par la couverture médiatique de la campagne. Disons que même en regardant partout dans les médias européens, je voyais la campagne était très peu en fait médiatisée. En Europe, en tout cas, ça passait surtout par les réseaux sociaux, apparemment. Et comme j'étais pas sur Facebook, du coup, j'étais quand même... Bravo. Ça vous honore. Je sais pas. En tout cas, j'y étais pas, donc je pouvais pas avoir grand-chose. Et c'est aussi, je pense, que cette frustration qui nous a poussé à se dire, mais en fait, comment ça se passe? Parce qu'à la base d'un documentaire, je pense qu'il y a aussi l'envie d'y être, l'envie de voir et d'y participer d'une manière ou d'une autre. Donc on a décidé du jour au lendemain, vraiment, on a pris les billets d'avion et on est parti pour New York. Deux jours plus tard, on était dans les rues de New York, on avait réfléchi à la chose dans l'avion, mais c'est vrai que ça s'est fait vraiment dans les choix ont été faits dans les rues de New York. À l'arrache. À l'arrache, ouais. Alors, il y a un casting là-dedans, on peut le dire, sans déflorer, voire par trop le sujet. Mm-hmm. Il y a un couple que l'on suit, mm-hmm. mais ces petites mains... c'est sonneur de porte, c'est pas couleur d'affiche, hein, on voit pas les affiches. Mm-hmm. Apparemment, il y a peu d'affiches d'ailleurs dans les campagnes. Non, il y a de la banderole, mais il y a pas d'affiches. Voilà, hein. Stickers banderole. Les stickers, c'est. Eux, vous les castez comment? Alors c'est intéressant aussi. Je pense c'est que d'abord notre réflexe a été d'aller à la Columbia University. Parce qu'on savait que c'était un mouvement qui était principalement porté par les étudiants. Et arrivé là-bas, on a rencontré beaucoup d'étudiants, on les a suivis pendant une journée, et on a été à un rallye de Bernie, et en fait, ils nous ont tous lâchés avant même que Bernie prenne la parole. Donc on n'avait pas l'impression que c'était... comment dire, ça s'engageait mal. Ça s'engageait, ils s'engageaient, mais ça nous avait l'air un peu superficiel. Je veux pas dire que tous les étudiants étaient comme ça, mais je pense vraiment pas que d'ailleurs que c'était le cas, mais ceux sur lesquels on était tombés, c'était pas un modèle de dévouement, on va dire. Et le jour d'après, on s'est pointé dans une petite manifestation de rien du tout qui s'appelait Open Primary, qui demandait en fait à ouvrir les primaires démocrates à n'importe quel électeur. Donc il demandait en fait qu'on n'ait pas besoin d'être inscrit sur les listes démocrates pour pouvoir voter, parce que c'était le cas. Ce qui est normalement l'usage. Ce qui est l'usage suivant les États. À New York, suivant les États, sachant qu'à New York justement c'est une primaire fermée. Et on a pu voir auparavant que toutes les primaires fermées ont favorisé Clinton, alors que les primaires ouvertes favorisaient Sanders, sachant que les indépendants, les personnes qui sont pas forcément affiliées au Parti démocrate, avaient plus envie de voter pour un candidat qui était plutôt indépendant en général, enfin qui a toujours été sur des listes indépendantes. Donc on allait voir cette petite manifestation, et c'est là qu'on a rencontré Jonathan et Toby. Le couple, sachant que c'est pas vraiment un couple, c'est un duo, voilà, un duo. Et Jonathan, c'est donc le garçon, Toby, Jonathan, c'est la jeune fille. Voilà, Jonathan Katz, c'est Toby Horowitz, donc comme les noms l'impliquent, des juifs ashkénazes, intellectuels, new-yorkais, comme on peut en voir dans les films de Woody Allen par exemple. Et je pense que c'est un peu ça ce qui m'a plu chez eux, c'est que j'avais vraiment l'impression d'être en terrain connu comme ça, aussi en termes d'humour. Enfin, tout de suite, en fait, je les ai filmés avant même de leur parler, et voilà, j'ai eu envie d'aller de leur parler. C'est plus passé par Michael, parce qu'à cette époque-là, mon anglais était vraiment un peu précaire. Et au fur et à mesure que je les écoutais, en fait, ils étaient juste... ils étaient dévoués à la cause, et surtout, ils avaient beaucoup d'humour. Et c'était quelque chose que je trouvais vraiment important pour pas tomber dans quelque chose d'un peu sérieux et morose. Leur humour me faisait du bien aussi. Et ils ont accepté comme ça que vous les suiviez? Alors, ils ont accepté parce qu'ils pensaient que c'était l'affaire d'une journée. Et en fait... vous en aviez pas dit trop. Non, mais on savait pas aussi. Ça s'est vraiment fait... Vous êtes allés à l'aventure. Voilà, c'est ça. On les a suivis une journée, faire du porte-à-porte. Et moi, j'étais conquis. Et du coup, dès le lendemain, on les a rappelés, on a essayé de les revoir. Et ils ont commencé à comprendre qu'on les lâcherait plus avant la fin de la primaire new-yorkaise. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que on a effectivement affaire à deux figures de cinéma qui naissent comme ça sous nos yeux. il pourrait cabotiner. Peut-être parfois on est à fleur de quelque chose, mais ils sont réellement en train de vivre très très intensément ce qui se passe au point de vue, cette histoire électorale. Mmh. Je pense que c'est étonnant pour quelqu'un qui a pas l'habitude de voir des gens qui ont tant la foi dans le militantisme. Et c'est vrai que moi j'étais vraiment étonné par l'absence totale de cynisme qu'ils avaient, où vraiment ils se disaient qu'ils pouvaient changer les choses, ils croyaient en une révolution des États-Unis, une révolution pas en termes de révolte, mais en termes de paradigme, où vraiment les choses pourraient changer du tout au tout avec leur candidat. Et ils étaient complètement dévoués à la cause. Alors, on est en train de parler du documentaire signé Lionel Roup que vous aurez l'occasion de découvrir dimanche soir sur RTS2. Rappelez-nous donc le titre et anglais et français, je vous prie. Alors, ça s'appelle « Campaign of the Own », « Battre la campagne ». Et voilà, vous qui le réalisez. Et c'est moi qui le réalise. Ouais. Enfin, c'est un binôme, vous tenez vraiment à ce que le producteur... votre compagnon producteur soit c'est que dans c'est l'histoire. C'est une histoire qui s'est créée à deux. C'est ça, c'est que le producteur était sur le terrain, il n'était pas dans un bureau, donc par respect pour son travail, on l'a mentionné. Alors en guise d'avertissement, je dis tout de suite, je déflore quelque peu, mais ça sera très court, que c'est un documentaire que vous découvrirez sans qu'il n'y ait aucun commentaire. C'est un principe qu'on appelle celui de l'immersion. J'en étais moi-même tellement étonné que, tellement accoutumé au documentaire avec commentaire, que quand j'ai commencé à voir la première, la deuxième, la troisième minute, je me suis dit, ah, on a dû me livrer la version sans commentaire, si vous dire vraiment les réflexes culturels qu'on finit par avoir malgré soi. Je vais donc vous proposer un contresens complet, Lionel Roup, avec votre autorisation, bien sûr. Je vais vous demander d'expliquer ce principe, alors même que vous choisissez de ne pas expliquer. De ne pas commenter, mais simplement de montrer. Alors certes, vous montrez ce que vous avez choisi de montrer, et vous nous montrerez pas ce que vous n'avez pas envie qu'on voit, donc d'une certaine manière quand même, vous choisissez, ce n'est pas de l'improvisation libre. Néanmoins, c'est quand même en partie une improvisation, puisque vous suivez les mouvements qui vous sont imposés par les acteurs qui, eux, ont à vivre leur vie, en l'occurrence, faire une campagne. Ce choix d'être dans l'immersion, pourriez-vous donc, à contrario, nous l'expliquer, même si vous n'expliquez pas par le commentaire? Alors, moi je l'expliquerai déjà d'une façon, c'est que je viens de la fiction et j'ai l'impression que les histoires soient réelles ou fictionnelles, elles se racontent d'elles-mêmes. Et je partais de ce point de vue-là au début. Et d'autre part, même en tant que documentariste, j'ai l'impression que les actions parlent plus, en fait, qu'une lecture a posteriori. Sachant que je trouve plus intéressant, en fait, que le spectateur se fasse lui-même sa propre opinion à partir de ce qu'il voit. Forcément, ce qu'il voit, c'est ce que j'ai choisi. Plutôt que de forcer une lecture... a posteriori sur les images qui en fait conditionneraient la lecture du spectateur. Vous avez bien 35 ans. Hein? Oui. Oui, je pense que c'est quand même c'est pas mal lié à une Enfin, vous n'avez pas envie du tout d'enfiler le costume de l'instituteur, quoi. Non, non. Après, le cinéma d'immersion est plus vieux que moi. Il y a, par exemple, un des films qui m'avait beaucoup marqué lors de mes études à la HED, c'est Primary de Drew, qui suivait en fait les élections lors des primaires démocrates aussi, le candidat John Fitzgerald Kennedy, et c'était juste une caméra d'immersion. On suivait la campagne, et sauf erreur, il n'y avait absolument aucun commentaire. C'était vraiment à partir de l'immersion en fait que le spectateur comprenait de quoi il s'agissait. Vous renouez donc avec un cinéma qui existait et qui d'une certaine manière est tombé un petit peu dans l'oubli dans peut-être une période qui est passée plus à l'explication permanente, au commentaire permanent. Oui, en fait, il est tombé dans l'oubli dans le cinéma mainstream, enfin dans la télévision. C'est-à-dire qu'en dans télévision, par exemple, le film là que vous allez voir, il a beaucoup intéressé Netflix, qui avait envie, par exemple, de le programmer. Mais du moment qu'ils ont vu qu'il n'y avait aucun commentaire, ça, non, ça passe pas. Ah oui. Ah non, pour des grands distributeurs, on est d'accord, c'est très compliqué de passer ce cap. Par contre, si on se rend dans les festivals documentaires, c'est quelque chose qui est quand même assez répandu, le cinéma direct, le cinéma d'immersion. Donc, c'est pas du tout révolutionnaire. Après. Donc, on le voit peu au petit écran, mais faut se déplacer dans les festivals. Voilà, dans les festivals et parfois en salle. Après, forcément, je savais que si il n'y avait pas une voix pour raconter, pour expliquer ce qui se passait, j'avais besoin de passer par des subterfuges ou par certaines situations qui permettent en fait d'expliquer ce qui est en train de se passer. Pour donner un exemple, des fois, on demandait à nos protagonistes, aux personnes qui vivaient l'action, d'échanger entre eux sur telle ou telle situation, ce qui permettait en fait de resituer là où on en était dans l'action et de, pas à travers le débat, à travers les dialogues, en fait, raconter l'histoire. Mais ce que je trouve pas vraiment ce qui est vraiment intéressant dans ce procédé, c'est que c'est eux-mêmes, par leurs propres mots, qui racontaient l'histoire. Et vous n'avez pas eu de mal dans l'ensemble à convaincre. On sent une espèce de spontanéité absolue, des gens qui sont rivés sur un objectif, à la limite qu'il y ait caméra ou pas, ça change pas grand-chose. Alors, je pense que pour une bonne partie des protagonistes, au bout d'un moment, on était oubliés. Et certains, mais il y a une grande culture de la prise de parole aux États-Unis qui est beaucoup plus forte. C'est flagrant, là. Ouais. Et parfois, même, enfin, en parlant, ils sont déjà dans un phrasé, en fait. Ils sont déjà dans une mise en scène d'eux-mêmes pour faire avancer leurs idées. Donc non, c'était du pain béni de tourner ce type de documentaire aux États-Unis. Alors moi, l'interprétation que j'ai pu en avoir de votre documentaire, que je recommande fort vivement dimanche soir sur RTS2, c'est cette impression de voir une démocratie en mouvement. Vous verrez, quand vous regarderez ce film, des gens qui peuvent appartenir au même bord, mais qui sont pas forcément d'accord ensemble sur tout, qui s'engueulent, qui se chamaillent, qui se contestent l'un l'autre, qui pleurent, qui rient, qui applaudissent, qui chantent même. Et on sent, par les images que vous avez ramenées, que vraiment les États-Unis ont l'ADN de la démocratie dans le sang. C'est vraiment quelque chose qu'ils respirent complètement. Ce qui pour nous, et c'est là où probablement le terme de vieux continent n'est pas complètement usurpé, c'est que là-bas, il y a une vivacité de la chose qui est franchement frappante. Ça vous a aussi... Oui, évidemment. Je pense qu'aux États-Unis, c'est souvent rappelé que c'est un pays libre, démocratique, et en même temps, il y a énormément d'entraves. Donc je pense que c'est ce double mouvement qui fait que les gens ont une envie, ont la volonté en fait de faire valoir leur choix, leur pouvoir, parce que qui dit démocratie, c'est censé être le pouvoir du peuple. Donc alors si moi, en tant que citoyen des États-Unis, je suis censé avoir une partie du pouvoir, je le revendique, j'ai envie d'avancer ma cause. Et donc c'est pour ça que c'est très fort. Et il y a aussi le fait que certaines causes sont complètement, sont difficiles, voire désespérées. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué lors de la campagne. Enfin, si je peux revenir d'abord, c'est que là où c'était intéressant en fait de filmer à Philadelphie après New York, c'est que à Philadelphie, le leader Bernie Sanders gentiment se mettait de côté pour laisser la place à Hillary Clinton. Et donc le fait de perdre la tête du mouvement, ça nous a permis en fait de passer sous radar tout le mouvement et donc toutes les nuances qu'il y avait à l'intérieur des personnes qui portaient la campagne. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que suivant d'où ils venaient, de quel groupe social ils étaient, c'était pas du tout les mêmes revendications. Et c'est quelque chose qui m'a par exemple énormément marqué, que j'ai d'ailleurs mis dans le film, c'est que pour la population afro-américaine par exemple, ils avaient la sensation, comment dire, qu'on partait déjà d'un malentendu. On revenait toujours, par exemple, aux Founding Fathers, en disant les pères fondateurs, en disant voilà, les États-Unis ont été créés là-dessus. Mais un des protagonistes du film dit mais ces pères fondateurs, c'est pas les miens. Donc il y a déjà en fait quelque chose qui est corrompu à l'intérieur même, dans la moelle épinière de la démocratie américaine. Donc le fait que Bernie disparaisse, ça nous a vraiment permis de creuser en profondeur et de comprendre en fait que c'est des questions extrêmement complexes et qui varient suivant les personnes en fait qui sont touchées. La personnalité de Bernie Sanders, elle tranche au regard de tout ce qui précède en termes d'élections aux États-Unis. Mm-hmm. C'est vraiment un phénomène extrêmement à part. Mm-hmm. Il est à penser que Bernie Sanders ne devrait pas se représenter aux prochaines élections, eu égard à son âge, encore mm-hmm. que le bonhomme a de la solidité et de la résistance. Est-ce que, à votre connaissance, Lionel Roupe, il a fait des petits en chemin? Est-ce que sa présence même relativement iconoclaste dans l'habituel partage, déjà il y avait un autre iconoclaste, mais lui qui est désormais assis sur le trône, mm-hmm. Mais voilà, il y avait des figures vraiment très originales pour le coup, mm-hmm. cette élection. Est-ce que Bernie Sanders pourrait, dans une prochaine élection, être remplacé par un ou une prétendante, avec le même, non pas le même profil, mais voilà, il était passionnant de voir un monsieur d'un certain âge parler de révolution. Mmh. Ouais, bon, c'est vrai que Bernie, c'est vraiment une trajectoire particulière. Par exemple, en m'intéressant au personnage, je me suis rendu compte qu'il avait fait un film sur Eugene Debt, qui était le seul candidat socialiste qui avait réussi aux États-Unis, qui avait réussi à avoir, je crois, 10% lors des élections générales au début du XXe siècle. Et c'est quelqu'un qui s'est revendiqué depuis les années 60 comme un socialiste, qui était d'ailleurs un gros mot jusqu'à l'élection de 2016. Donc oui, c'est un personnage qui détonne. J'ai aussi trouvé en fouillant sur YouTube qui a raconté comme sa carrière politique a été jalonnée d'énormément d'échecs. Il s'est présenté 3 fois à la mairie de Burlington, une petite ville du Vermont, avant de remporter. Il a perdu une quantité d'élections, enfin, phénoménale. C'est l'inverse de la trajectoire de winner de Trump. Et forcément. Et donc, il a un côté insubmersible. Il revient toujours. Il renonce jamais parce qu'il part de loin. Ça, ouais. Je pense qu'en tant que socialiste aux États-Unis, on devient bon, fort. On est obligé, là, mm-hmm. d'interrompre puisque le temps nous est compté. Mm-hmm. Donc, on a rendez-vous et vraiment, une fois encore, je le recommande vivement avec vos images dont vous allez nous rappeler le titre. Campaign of the Own, donc battre la campagne en français. C'est à voir dimanche soir sur RTS2. Merci infiniment de votre visite. Merci à vous. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté.